pas à droite, deux pas à gauche, marche en avant. Kembella, Kembella, deux pas à droite, deux pas à gauche, marche en arrière.